C'est maintenant l'heure de la chronique technologie de l'information avec Raymond Poirier. Salut Raymond. Salut. Raymond, l'ITIS, l'Institut Technologie de l'Information et Société pour lequel tu travailles, a réuni en fait en colloque, un colloque qui s'appelait Villes intelligentes et villes durables, des experts en technologie de l'information. Ça se passait le 25 avril dernier. Exactement. L'idée étant évidemment de continuer à observer, à réfléchir le phénomène des villes intelligentes, la thématique des villes intelligentes. On en a parlé au fil des derniers mois à quel point ça devient une thématique un peu incontournable. C'est quelque chose d'ailleurs qui a été réitéré en cours de colloque. Là, on a rappelé notamment aux participants que le futur est à l'urbanisation. Qu'en 2008, pour la première fois de l'histoire humaine, il y a plus de la moitié de la population terrestre qui habitait dans des villes. En 2030, on parlera de 5 billions de personnes qui habiteront dans des villes avec l'urbanisation de l'Afrique et de l'Asie. Donc, nécessairement, il faut réfléchir aux thématiques urbaines. Il faut repenser nos manières d'envisager le développement aussi de cette sphère urbaine-là. Et c'est là que pour justement la plupart des conférenciers et des participants, mais que cette thématique-là intervient. Puis c'est ça, dans le fond, que tu parlais, c'était dans le cadre d'une étude qui a été présentée. C'est des résultats préliminaires d'une étude internationale d'analyse et de réflexion autour des villes intelligentes. Puis, au fil de l'étude, ce qui ressortait, en fait, c'est notamment l'impact sur la culture organisationnelle des mesures intelligentes. Exactement. Notamment, en fait, on parle de définition même de la ville qui amène justement un regard sur cet impact-là. On pense que la ville, notamment, est un système de systèmes dans lesquels on va intégrer des nouveaux systèmes, donc les systèmes numériques. Donc, il y a déjà une organisation urbaine et l'idée, c'est pas de réinventer la ville avec la ville intelligente, c'est plutôt d'y greffer un nouveau mode de fonctionnement et des nouveaux paradigmes également. Alors, ce qu'on dit, c'est qu'on va essayer justement à travers ça d'intervenir pour répondre aux besoins des citoyens dans la planification de la ville, dans le développement de la ville et aussi dans l'intégration d'outils technologiques. Et c'est un peu toutes ces interventions-là à travers ce nouveau système-là qui va faire la ville intelligente. C'est ce qu'avançait notamment Teresa Pardo du Center for Technology and Government. Et évidemment, mais tout ça permet, comme tu le mentionnais, de régler quand même pas mal de problèmes, notamment quant à la gestion des villes, quant aux problématiques environnementales, sociales, organisationnelles, parce que comme on greffe des nouveaux outils, bien, on va être en mesure aussi de greffer et de développer des outils qui répondent précisément aux besoins que rencontrent les villes. Si on a des problèmes de transport, bien évidemment, on va pouvoir aller chercher des éléments, des outils pour intervenir en cette matière-là. Si c'est des problèmes de gestion des aqueducs, il y a des outils également qui peuvent être développés, des outils de connectivité pour les citoyennes, démocratisation d'accès à Internet, etc., etc. Puis justement, la Ville de Québec, c'est quand même un bon exemple de ville intelligente. Puis vous avez invité des représentants de l'administration municipale ou des partenaires d'affaires qui ont présenté un peu leur projet à Québec ici. Là. Exactement, parce qu'en fait, je pense que tout le monde a besoin un peu d'exemples pour se raccrocher, parce que les définitions demeurent quand même assez théoriques. Et à Québec, on est assez privilégié dans la mesure où la ville est assez avancée dans ce dossier-là, a bien cheminé. On a donné beaucoup d'exemples, d'ailleurs, c'est Gilles Noël, le directeur général adjoint au service de soutien, qui est venu en présenter plusieurs. Que ce soit les initiatives liées au Web 2.0 de l'administration municipale, donc le fait que les citoyens peuvent rejoindre l'administration sur leur site Web, sur Twitter, sur YouTube, avec des messages textes, etc. Donc, on décuple, si on peut dire, les moyens de contact autres que le téléphone ou la présence sur place. Il y a évidemment aussi le service d'infodéneigement, le réseau Wi-Fi de Zap Québec, également... La Ville de Québec s'est associée avec d'autres villes québécoises pour échanger des informations, des outils, des manières de faire, donc dans ce qu'on appelle le réseau Interville du Québec. Donc encore là, ça, c'est un bel exemple aussi de partage d'innovation. Donc ça peut être aussi intégré dans ce type de préoccupation liée à la ville intelligente. Il y a évidemment aussi le portail de données ouvertes qui a été lancé en février dernier. Et il y a des projets aussi qui s'en viennent et qui seront intéressants à surveiller. C'est notamment le cas du projet de coffre-fort virtuel de la Ville de Québec. Et c'est Jean-Marie Thirois d'Almiris, en fait, qui est venu présenter un peu l'esprit de cette initiative-là, qu'on a présenté comme un espace interactif pour le citoyen et l'entreprise, entouré de services privés et sécurisés. Et donc, dans cet espace-là, on sera en mesure d'aller payer des taxes, payer des comptes, négocier, transiter avec la Ville. Et autour de cet espace-là, bien, il y aurait des services autres qui nécessitent peut-être un peu moins de sécurité, qui pourraient être associés donc à, je le rappelle, donc un espace virtuel qui serait créé pour les citoyens et citoyennes. Puis ce genre d'initiative intelligente-là dans la région de Québec, ça a été souligné notamment par la présence de la capitale au top 7 des villes intelligentes. Puis ça a aussi inspiré plusieurs gens dans la région à s'intéresser un petit peu plus à ce phénomène-là. Oui, et c'est d'ailleurs le colloque Ville intelligente, Ville durable a été un peu l'occasion de revenir là-dessus et d'essayer de voir quel impact déjà cette initiative-là et cette présence-là au top 7 avait eu. Alors, on parle notamment là de partenariats qui ont été renforcés entre les différents groupes d'intervention, les différents intervenants, que ce soit entrepreneurs, fonctionnaires, universitaires. Donc, ce qui fait que, puisqu'il y a eu beaucoup de travail à faire en route vers cette place au top 7 et peut-être éventuellement au top 1, on le saura en juin prochain, eh bien, ça a créé donc des liens qui viendront renforcer aussi le développement futur de la ville intelligente, parce que d'ailleurs, en fait, la notion de collaboration est très importante donc entre les différents secteurs. Dans la définition, comme ont proposé certains conférenciers, il y a eu une table ronde en fin de colloque autour justement de cette thématique-là, et il y avait Nathalie Carillon du Parc technologique qui disait « Oui, mais quand on parle d'intelligence, il faut aller au-delà de simplement les technologies. Il faut voir les gens qui sont derrière les technologies. Et ces gens-là, ben, il y a des besoins de collaboration. Et donc, exemple, les collaborations entre le Parc technologique du Québec métropolitain et l'Université Laval, ben, c'est aussi un bel exemple d'intelligence. » Puis, justement, ici, à l'Université Laval, il y a plusieurs équipes de chercheurs dans des domaines différents qui s'intéressent au phénomène de ville intelligente. Puis, vous en avez invité quelques-uns, justement, pour parler de leurs travaux de recherche qui étaient en lien avec ça. Exactement. 4 chercheurs là, qui sont venus présenter leurs perspectives dans des domaines très distincts, parce que la ville intelligente, c'est un peu parapluie d'une certaine manière côté thématique, parce que il y a beaucoup de domaines et de secteurs de recherche qui interviennent, dans le fond, sur les réalités urbaines. Il y a eu notamment Carole Després qui, elle, est venue présenter ses observations. Elle est professeure à l'École d'architecture de l'Université Laval, membre du groupe de recherche interdisciplinaire sur la banlieue. Et elle, notamment, a souligné une inquiétude dans l'idée que le développement urbain de Québec, qui est très fort présentement, ne sera pas nécessairement perpétuel. Elle prévoit même que la population de la capitale risque de stagner dans les années 2040. Et donc, elle dit, ben, utilisons justement l'intelligence peut-être pour renforcer les quartiers existants, pour renforcer le pouvoir d'attraction de quartiers existants, plutôt que de développer les 3e, 4e couronnes urbaines à Québec. Parallèlement, il y a eu Yvan Bédard, qui lui est professeur au département des sciences géomatiques, qui est venu nous faire réaliser que la ville intelligente, donc comme on parle beaucoup de connectivité, mais c'est aussi une réalité qui va générer beaucoup d'informations. Donc déjà, chaque être humain en génère quand même pas mal, mais en plus, si on informatise beaucoup de processus, on va être en mesure d'avoir des informations beaucoup plus spécifiques sur les choses, la façon dont les choses sont faites. Et donc, ce qui fait que ça va devenir de plus en plus complexe pour traiter cette information-là. Mais par contre, que si on réussit à bien la traiter, eh bien là, ça va être extrêmement précieux dans les processus de prise de décision. Alors, il faut donc véritablement aussi envisager parallèlement un cadre d'analyse de ces nouvelles données-là. Il y a eu aussi Leslie Rush du département de génie électrique, génie informatique, qui elle est venue présenter un peu ses recherches en matière de fibre optique, en soulignant que c'est l'épine dorsale essentiellement de notre Internet mondial, de nos réseaux métropolitains, de nos villes intelligentes. Et donc, si on veut aussi avoir plus de facilité à traiter les masses de données qui vont être générées, bien, il faut nécessairement pousser plus avant les développements en matière de fibre optique. Et enfin, il y a eu aussi Benoît Montreuil, qui lui est à la Faculté des sciences de l'administration, qui est venu présenter un projet qui s'appelle l'Internet physique. Et l'idée, en fait, c'est d'organiser les structures de transport continentales en fonction en s'inspirant de la façon dont les données transitent sur le web. Donc, l'idée, exemple, c'est que quand on transite des données sur Internet, eh bien, c'est pas simplement des données solitaires qui circulent, c'est des groupes de données, des clusters de données. Et donc, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il faut faire la même chose. Donc, voyager les données, les matériaux, par exemple, en groupe, les regrouper, même si c'est pas nécessairement un regroupement à l'intérieur de la même entreprise. Et parallèlement, les données, quand elles circulent sur Internet, elles vont pas d'un point A à un point B sans pause. Elles circulent, elles transitent de ville en ville, de serveur en serveur. Et qu'il dit, ben, dans le fond, repensons, de manière plus logique et plus conséquente nos transports dans cette optique-là. Et on réussira à sauver énormément au niveau autant des coûts qu'au niveau des coûts environnementaux. Puis pour terminer, Raymond, l'entreprise privée aussi était représentée à votre colloque et ils se sont en fait posé une question: comment l'entreprise privée peut devenir un moteur pour la ville intelligente? Exactement, parce que nécessairement, on le mentionnait tout à l'heure, l'important, c'est vraiment les collaborations. Donc, l'entreprise privée collabore avec le milieu universitaire, avec l'administration publique, crée des synergies et intègre évidemment les citoyens à l'intérieur de tout ça parce que c'est eux le cœur de la ville intelligente. Et donc, ce qui est beaucoup ressorti, c'est vraiment la collaboration et cette nécessité-là pour pousser plus avant la ville intelligente. C'est ce qu'ont évoqué la plupart des participants à cette table ronde-là. Alors évidemment, mais comme on est un peu plus dans le milieu universitaire, c'est très intéressant de savoir justement que cet intérêt, mais qu'on voit, c'est non seulement un intérêt, mais quelque chose d'extrêmement important pour les entrepreneurs. Parallèlement aussi, ce qui est ressorti, c'est le pouvoir d'attraction de la ville pour des nouveaux travailleurs ou pour conserver les travailleurs qui sont déjà sur place. Donc, en disant de regarder d'un côté, l'intelligence rend la ville attrayante, mais aussi ce qui rend la ville attrayante, c'est cette recherche de collaboration-là qu'on ne retrouve pas nécessairement ailleurs. Il y a notamment Nicolas Roberge d'Evolia qui disait, regardez, il y a une facilité de monter, de démarrer des projets à Québec qui est hallucinante, qui est extrêmement satisfaisante également et qui rend possible beaucoup de choses qui n'auraient pas été possibles dans ce contexte-là. Alors, ça devient donc une force pour le développement régional, mais pas seulement au niveau technologique, mais aussi au niveau humain. Parfait. Donc, merci beaucoup, Raymond, de nous avoir résumé un peu de ce qui s'est parlé à ce colloque. Et puis, merci beaucoup et on se parle jeudi prochain. Excellent. Merci à toi. Bonne journée. Bonne journée. Donc, c'était Raymond Poirier, chargé de communication à l'Institut de technologie de l'information et société, qui nous livrait sa chronique « Technologie de l'information ».